elle était arrivée jusqu'à se demander si elle pouvait exister dans le regard d'un autre. Une soirée arrosée de regards qui se croisent, et elle n'a pas résisté, et c'est de l'irrévérie. Elle n'a pas regretté, pas non plus calculé, cela devait arriver, c'est de ses moments écrits. De retour à Paris, comme si de rien n'était, a repris le cours de sa vie sur jamais il ne serait. Mais un soir comme un autre, une étrange impression, il se pose des questions, des doubles vérités. Il a vite pardonné en se disant que lui aussi